Little Flanders, 27e et dernière partie. Mais notre bonne fortune ne s'arrêta pas là. Je traversai, ainsi que j'ai dit, la baie, pour me rendre à l'endroit où habitait mon frère, autrefois mon mari. Mais je ne passai point dans le même village où j'avais passé avant. Mais je remontai une autre grande rivière, sur la rive orientale de la rivière de Potomac, qu'on nomme rivière de Rappahannock. Et, par ce moyen, j'arrivai sur l'arrière de sa plantation, qui était très vaste, et à l'aide d'une crique navigable de la rivière de Rappahannock, je pus venir tout près. J'étais maintenant pleinement résolu à aller franchement et tout droit à mon frère, Marie, et à lui dire qui j'étais. Mais ne sachant l'humeur où je le trouverais, ou plutôt, s'il ne serait point hors d'humeur d'une visite si inattendue, je résolus de lui écrire d'abord une lettre afin de lui faire savoir qui j'étais et que je n'étais point venu lui donner de l'inquiétude sur nos anciens rapports que j'espérais qui étaient entièrement oubliés, mais que je m'adressais à lui comme une sœur à son frère, lui demandant assistance dans le cas de cette provision que notre mère, à son décès, avait laissée pour me supporter, et où je n'avais point de doute qu'il me ferait justice, surtout regardant que j'étais venu si loin pour m'en informer. Je lui disais dans ma lettre des choses fort tendres au sujet de son fils, qu'il savait bien, lui disais-je, qui était mon enfant, et qu'ainsi que je n'avais été coupable de rien en me mariant à lui, non plus que lui en m'épousant, puisque nous ne savions point du tout que nous fussions parents. Ainsi j'espérais qu'il céderait à mon désir le plus passionné de voir une seule fois mon cher et unique enfant, et de montrer quelque peu des infirmités d'une mère, à cause que je préservais une si violente affection pour ce fils qui ne pouvait avoir gardé de souvenir de moi en aucune façon. Je pensais bien qu'en recevant cette lettre, il la donnerait immédiatement à lire à son fils, ses yeux étant, ainsi que je savais, si faibles qu'il ne pouvait point voir pour la lire. Mais tout alla mieux encore, car il avait permis à son fils, à cause que sa vue était faible, d'ouvrir toutes les lettres qui lui viendraient en main à son nom, et le vieux monsieur étant absent ou hors de la maison, quand mon messager arriva, ma lettre vint tout droit dans les mains de mon fils, et il l'ouvrit, et il la lut. Il fit venir le messager, après quelque peu de pause, et lui demanda où était la personne qui lui avait remis cette lettre. Le messager lui dit l'endroit, qui était à environ 7 milles, de sorte qu'il lui dit d'attendre, se fit seller un cheval, emmena deux domestiques, et le voilà venir vers moi avec le messager. Qu'on juge de la consternation où je fus, quand mon messager revint, et me dit que le vieux monsieur n'était pas chez lui, mais que son fils était arrivé avec lui et que j'allais le voir tout à l'heure. Je fus parfaitement confondu, car je ne savais si c'était la guerre ou la paix, et j'ignorais ce qu'il fallait faire. Toutefois, je n'eus que bien peu de moments pour réfléchir, car mon fils était sur les talons du messager, et, arrivant à mon logement, il fit à l'homme qui était à la porte quelques questions en ce genre, je suppose, car je ne l'entendis pas, à savoir quelle était la dame qui l'avait envoyée, car le messager dit « C'est elle qui est là-bas, monsieur ». Sur quoi mon fils vient droit à moi, me baise, me prit dans ses bras, m'embrassa avec tant de passion qu'il ne pouvait parler, et je pouvais sentir sa poitrine se soulever et haleter comme un enfant qui pleure et sanglote sans pouvoir s'écrier. Je ne puis ni exprimer ni décrire la joie qui me toucha jusqu'à l'âme quand je trouvai, car il fut aisé de découvrir cette partie, qu'il n'était pas venu comme un étranger, mais comme un fils vers une mère. Et en vérité, un fils qui n'avait jamais su avant ce que c'était que d'avoir une mère. Et en somme, nous pleurâmes l'un sur l'autre pendant un temps considérable, jusqu'enfin il s'écria le premier. « Ma chère mère, dit-il, vous êtes encore vivante. Je n'avais jamais espéré de voir votre figure. » Pour moi, je ne pus rien dire pendant longtemps. Après que nous eûmes tous deux recouvré nos esprits et que nous fûmes capables de causer, il me dit l'état où étaient les choses. Il me dit qu'il n'avait point montré ma lettre à son père et qu'il ne lui en avait point parlé, que ce que sa grand-mère m'avait laissé était entre ses mains, à lui-même, et qu'il me rendrait justice à ma pleine satisfaction. Que pour son père, il était vieux et infirme à la fois de corps et d'esprit, qu'il était très irritable et colère, presque aveugle et incapable de tout, et qu'il faisait grand doute qu'il sût agir dans une affaire qui était de nature aussi délicate, et que, par ainsi, il était venu lui-même autant pour se satisfaire en me voyant, ce dont il n'avait pu s'empêcher, que pour me mettre en mesure de juger, après avoir vu où en étaient les choses, si je voulais me découvrir à son père ou non. Tout cela avait été mené en vérité de manière si prudente et avisée que je vis que mon fils était homme de bon sens et n'avait point besoin d'être instruit par moi. Je lui dis que je ne m'étonnais nullement que son père fût comme il l'avait décrit, à cause que sa tête avait été un peu touchée avant mon départ, et que son tourment principal avait été qu'il n'avait point pu me persuader de vivre avec lui comme sa femme après que j'avais appris qu'il était mon frère, que, comme il savait mieux que moi quelle était la condition présente de son père, j'étais prête à me joindre à lui en telle mesure qu'il m'indiquerait, que je ne tenais point à voir son père puisque j'avais vu mon fils et qu'il ne put me dire de meilleures nouvelles que de m'apprendre que ce que sa grand-mère m'avait laissé avait été confié à ses mains à lui, qui, je n'en doutais pas, maintenant qu'il savait qui j'étais, ne manquerait pas, ainsi qu'il avait dit, de me faire justice. Puis je lui demandai combien de temps il y avait que ma mère était morte et en quel endroit elle avait rendu l'esprit. Et je lui donnai tant de détails sur la famille que je ne lui laissai point lieu de douter de la vérité que j'étais réellement et véritablement sa mère. Mon fils me demanda alors où j'étais et quelles dispositions j'avais prises. Je lui dis que j'étais fixé sur la rive de la baie qui est dans le Maryland, sur la plantation d'un ami particulier qui était venu d'Angleterre dans le même vaisseau que moi, que pour la rive de la baie où je me trouvais, je n'y avais point d'habitation. Il me dit que j'allais rentrer avec lui et demeurer avec lui s'il me plaisait, tant que je vivrais, que pour son père, il ne reconnaissait personne, et qu'il ne ferait point tant que d'essayer de deviner qui j'étais. Je réfléchis un peu et lui dis que malgré que ce ne fût en vérité point un petit souci pour moi que de vivre si éloigné de lui, pourtant je ne pouvais dire que ce me serait la chose la plus confortable du monde que de demeurer dans la même maison que lui et que d'avoir toujours devant moi ce malheureux objet qui avait jadis si cruellement détruit ma paix, et que, malgré le bonheur que j'aurais à jouir de sa société, de mon fils, ou d'être si près de lui que possible, pourtant je ne saurais songer à rester dans une maison où je vivrais aussi dans une retenue constante, de crainte de me trahir dans mon discours. Ni ne serais-je capable de réfréner quelques expressions en causant avec lui comme mon fils, qui pourrait découvrir toute l'affaire, chose qui ne conviendrait en aucune façon. Il reconnut que j'avais raison en tout ceci. « Mais alors, ma chère mère, dit-il, il faut que vous soyez aussi près de moi que possible. » Il m'emmena donc avec lui à cheval jusqu'à une plantation qui joignait la sienne, et où je fus aussi bien entretenu que j'eusse pu l'être chez lui-même. M'ayant laissé là, il s'en retourna après m'avoir dit qu'il me parlerait de la grosse affaire le jour suivant, et m'ayant d'abord appelé sa tante, après avoir donné ordre aux jeunes gens, qui, paraît-il, étaient ses fermiers, de me traiter avec tout le respect possible, environ 2 heures après qu'il fut parti, il m'envoya une fille de service et un petit nègre pour prendre mes ordres et des provisions toutes préparées pour mon souper. Et ainsi, je me trouvais comme si j'eusse été dans un nouveau monde, et je commençais presque de souhaiter que je n'eusse point amené d'Angleterre mon mari du Lancashire. Toutefois, c'était un souhait où il n'y avait pas de sincérité, car j'aimais profondément mon mari du Lancashire, ainsi que j'avais toujours fait depuis le commencement. Et il le méritait autant qu'il était possible à un homme, soit dit en passant. Le lendemain matin, mon fils vint me rendre encore visite presque aussitôt que je fus levé. Après un peu de discours, il tira premièrement un sac en peau de daim et me le donna, qui contenait 55 pistoles d'Espagne, et me dit que c'était pour solder la dépense que j'avais faite en venant d'Angleterre. Car, bien que ce ne fût pas son affaire, pourtant il ne pensait point que j'eusse apporté beaucoup d'argent avec moi, puisque ce n'était point l'usage d'en apporter dans cette contrée. Puis il tira le testament de sa grand-mère et me le lut, par où il paraissait qu'elle m'avait laissé une plantation sur la rivière de York, avec tous les domestiques et bétail y appartenant, et qu'elle l'avait mise en dépôt, entre les mains de ce mien fils, pour mon usage le jour où il apprendrait où j'étais, la consignant à mes héritiers, si j'avais des enfants, et à défaut d'héritiers, à quiconque il me plairait de la léguer par testament. Que le revenu, cependant, jusqu'à ce qu'on entendrait parler de moi, appartiendrait à mon dit fils, et que, si je n'étais point vivante, la propriété retournerait à lui et à ses héritiers. Cette plantation, quoiqu'elle fût éloignée de la sienne, il me dit qu'il ne l'avait pas à fermer, mais qu'il la faisait administrer par un gérant principal, ainsi qu'il faisait pour une autre qui était à son père et qui était située tout près, et qu'il allait l'inspecter lui-même 3 ou 4 fois l'année. Je lui demandai ce qu'il pensait que la plantation pouvait bien valoir. Il me dit que si je voulais la fermer, il m'en donnerait environ 60 livres par an, mais que, si je voulais y vivre, qu'elle vaudrait beaucoup plus, et qu'il pensait qu'elle pourrait me rapporter environ 150 livres par an. Mais, regardant que je m'établirais sans doute sur la rive de la baie, ou que peut-être j'avais l'idée de retourner en Angleterre, si je voulais lui en laisser la gérance, il l'administrerait pour moi, ainsi qu'il l'avait fait pour lui-même, et qu'il pensait pouvoir m'envoyer assez de tabac pour rendre annuellement environ 100 livres, quelquefois plus. La tendre conduite de mon fils et ses offres pleines de bonté m'arrachèrent des larmes presque tout le temps qu'il me parlait. En vérité, je pus à peine discourir avec lui, sinon dans les intervalles de ma passion. Cependant, enfin, je commençai, et exprimant mon étonnement sur le bonheur que j'avais, que le dépôt de ce que ma mère m'avait laissé eût été remis aux mains de mon propre enfant, je lui dis que, pour ce qui était de l'héritage de ce domaine, je n'avais point d'enfant que lui au monde, et que j'avais passé le temps d'en avoir si je me mariais, et que, par ainsi, je le priais de faire un écrit, que j'étais prête à signer, par lequel, après moi, je le léguerais entièrement à lui et à ses héritiers. Et cependant, souriant, je lui demandai ce qui faisait qu'il restait garçon si longtemps. Sa réponse, tendre et prompte, fut que la virginie ne produisait point abondance de femmes, et que, puisque je parlais de retourner en Angleterre, il me priait de lui envoyer une femme de Londres. Telle fut la substance de notre conversation la première journée, la plus charmante journée qui ait jamais passé sur ma tête pendant ma vie et qui me donna la plus profonde satisfaction. Il revint ensuite chaque jour et passa une grande partie de son temps avec moi et m'emmena dans plusieurs maisons de ses amis où je fus entretenu avec grand respect. Aussi je dînai plusieurs fois dans sa propre maison, où il prit soin toujours de tenir son père à demi-mort tellement à l'écart que je ne le vis jamais, ni lui moi. Je lui fis un cadeau, et c'était tout ce que j'avais de valeur, et c'était une des montres en or desquelles, et je dis, j'avais deux dans mon coffre. Et je me trouvais avoir celle-ci sur moi, et je la lui donnai à une troisième visite. Je lui dis que je n'avais rien de valeur à donner que cette montre, et je le priai de la baiser quelquefois en souvenir de moi. Je ne lui dis pas, en vérité, que je l'avais volée aux côtés d'une dame dans une salle de réunion de Londres, soit dit en passant. Il demeura un moment hésitant, comme s'il doutait s'il devait la prendre ou non. Mais j'insistai, et je l'obligeai à l'accepter. Et elle ne valait pas beaucoup moins que sa poche en cuir, pleine d'or d'Espagne, non, même si on l'estimait ainsi qu'à Londres, tandis qu'elle valait le double ici. À la fin, il la prit, la baisa, et me dit que cette montre serait une dette pour lui, mais qu'il la payerait tant que je vivrais. Quelques jours après, il apporta les écrits de donation, et il amena un notaire avec lui, et je les signai de bien bon gré, et les lui remis avec 100 baisers, car sûrement jamais rien ne se passa entre une mère et un enfant tendre et respectueux avec plus d'affection. Le lendemain, il m'apporte une obligation sous sein et sceau, par où il s'engageait à gérer la plantation à mon compte et à remettre le revenu à mon ordre où que je fusse. Et tout ensemble, il s'obligeait à ce que ce revenu fût de 100 livres par an. Quand il eut fini, il me dit que, puisque j'étais entré en possession avant la récolte, j'avais droit au revenu de l'année courante, et me paya donc 100 livres en pièces de 8 d'Espagne, et me pria de lui en donner un reçu, pour solde de tout compte de cette année, expirant au Noël suivant. Nous étions alors à la fin d'août. Je demeurai là plus de 5 semaines, et en vérité j'eus assez à faire pour m'en aller, Même alors, il voulait m'accompagner jusque de l'autre côté de la baie, ce que je refusai expressément. Pourtant, il insista pour me faire faire la traversée dans une chaloupe qui lui appartenait, qui était construite comme un yacht et qui lui servait autant à son plaisir qu'à ses affaires. J'acceptai, si bien qu'après les plus tendres expressions d'amour filial et d'affection, il me laissa partir et j'arrivai saine et sauve, au bout de 2 jours, chez mon ami le Quaker. J'apportais avec moi, pour l'usage de notre plantation, 3 chevaux avec harnais et selles, des cochons, 2 vaches et 1000 autres choses, dont de l'enfant le plus tendre et le plus affectueux que femme ait jamais eu. Je racontai à mon mari tous les détails de ce voyage, sinon que j'appelai mon fils mon cousin. Et d'abord je lui dis que j'avais perdu ma montre, chose qu'il parut regarder comme un malheur. Mais ensuite je lui dis la bonté que mon cousin m'avait témoignée et que ma mère m'avait laissé telle plantation et qu'il l'avait conservée pour moi dans l'espoir qu'un jour ou l'autre il aurait de mes nouvelles. Puis je lui dis que je l'avais remise à sa gérance et qu'il me rendrait fidèlement compte du revenu. Puis je tirai les 100 livres en argent qui étaient le revenu de la première année. Enfin, tirant la bourse en peau de daim avec les pistoles, « Et voilà, mon ami, m'écriai-je, la montre en or !» Et mon mari de dire, « Ainsi, la bonté divine opère sûrement les mêmes effets dans toutes les âmes sensibles, partout où le cœur est touché de la grâce. » Puis, levant les 2 mains en une extase de joie, « Quelle n'est pas la bonté de Dieu ! » s'écria-t-il, « pour un chien ingrat tel que moi ?» Puis je lui fis voir ce que j'avais apporté dans la chaloupe. Je veux dire les chevaux, cochons et vaches et autres provisions pour notre plantation. Toutes choses qui ajoutèrent à sa surprise et emplirent son cœur de gratitude. Cependant, nous continuâmes de travailler à notre établissement et nous nous gouvernâmes par l'aide et la direction de tels amis que nous fîmes là et surtout de l'honnête Quaker, qui se montra pour nous ami fidèle, solide et généreux. Et nous eûmes très bon succès, car ayant un fonds florissant pour débuter, ainsi que j'ai dit, et qui maintenant s'était accru par l'addition de 130 livres d'argent, nous augmentâmes le nombre de notre domestique, bâtîmes une fort belle maison, et défrichâmes chaque année une bonne étendue de terre. La seconde année, j'écrivis à ma vieille gouvernante pour lui faire part de la joie de notre succès, et je l'instruisis de la façon dont elle devait employer la somme que je lui avais laissée, qui était de 250 livres, ainsi que j'ai dit, et qu'elle devait nous envoyer en marchandises. Chose qu'elle exécuta avec sa fidélité habituelle, et le tout nous arriva à bon port. Là nous eûmes supplément de toutes sortes d'habits, autant pour mon mari que pour moi-même. Si je pris un soin particulier de lui acheter toutes ces choses, que je savais faire ses délices, telles que 2 belles perruques longues, 2 épées à poignées d'argent, 3 ou 4 excellents fusils de chasse, 1 belle selle garnie de fourreaux à pistolets et de très bons pistolets, avec 1 manteau d'écarlate. Et, en somme, tout ce que je pus imaginer pour l'obliger et le faire paraître, ainsi qu'il était, brave gentilhomme. Je fis venir bonne quantité de telles affaires de ménage dont nous avions besoin, avec du linge pour nous 2. Quant à moi, J'avais besoin de très peu d'habits ou de linge, étant fort bien fourni auparavant. Le reste de ma cargaison se composait de quincailleries de toutes sortes, harnais pour les chevaux, outils, vêtements pour les serviteurs, et draps de laine, étoffes, serges, bas, souliers, chapeaux et autres choses telles qu'emporte le domestique, le tout sous la direction du Quaker. Et toute cette cargaison vint à bon port et en bonne condition, avec trois filles de service, belles et plantureuses, que ma vieille gouvernante avait trouvées pour moi, assez appropriées à l'endroit où nous étions et au travail que nous avions à leur donner. L'une desquelles se trouva arrivée double, s'étant fait engrosser par un des matelots du vaisseau, ainsi qu'elle l'avoua plus tard, avant même que le vaisseau fût arrivé à Gravesend. De sorte qu'elle mit au monde un gros garçon, environ 7 mois après avoir touché terre. Mon mari, ainsi que vous pouvez bien penser, fut un peu surpris par l'arrivée de cette cargaison d'Angleterre, et me parlant un jour, après qu'il en eut vu les détails, « Ma chérie, dit-il, que veut dire tout cela? Je crains que tu nous endettes trop avant. Quand pourrons-nous payer toutes ces choses? » Je souris et lui dis que tout était payé. Et puis je lui dis que ne sachant point ce qui pourrait nous arriver dans le voyage, et regardant à quoi notre condition pourrait nous exposer, je n'avais pas emporté tout mon fonds, et que j'en avais laissé aux mains de mon ami cette partie que, maintenant que nous avions passé la mer et que nous avions heureusement établi, j'avais fait venir afin qu'il la vît. Il fut stupéfait et demeura un instant à compter sur ses doigts, mais ne dit rien. À la fin, il commença ainsi. « Attends, voyons, » dit-il, comptant encore sur ses doigts, et d'abord sur le pouce. Il y a d'abord 246 livres en argent. Ensuite, 2 montres en or, 2 bagues à diamants et 2 vaisselle plate, dit-il. Sur l'index, puis sur le doigt suivant, nous avons une plantation sur la rivière d'York à 100 livres par an. Ensuite, 150 livres d'argent. Ensuite, une chaloupe chargée de chevaux, vaches, cochons et provisions. Et ainsi de suite, jusqu'à recommencer sur le pouce. « Et maintenant, dit-il, une cargaison qui a coûté 250 livres en Angleterre et qui vaut le double ici. Eh bien, dis-je, que fais-tu de tout cela? Ce que j'en fais, dit-il, mais qui donc prétend que je me suis fait duper quand j'ai épousé ma femme dans le Lancashire? Je crois que j'ai épousé une fortune, dit-il, et ma foi, une très belle fortune. » En somme, nous étions maintenant dans une condition fort considérable, et qui s'augmentait chaque année. Car notre nouvelle plantation croissait admirablement entre nos mains, et dans les 8 années que nous y vécûmes, nous l'amenâmes à un point tel que le revenu en était d'au moins 300 livres par an, je veux dire, valait cette somme en Angleterre. Après que j'eus passé 1 année chez moi, je fis de nouveau la traversée de la baie pour aller voir mon fils et toucher les nouveaux revenus de ma plantation. Et je fus surprise d'apprendre, justement comme je débarquais, que mon vieux mari était mort, et qu'on ne l'avait pas enterré depuis plus de 15 jours. Ce ne fut pas, je l'avoue, une nouvelle désagréable, à cause que je pouvais paraître maintenant, ainsi que je l'étais, dans la condition de mariage. De sorte que je dis à mon fils, avant de le quitter, que je pensais épouser un gentilhomme dont la plantation joignait la mienne, et que, malgré que je fusse légalement libre de me marier, pour ce qui était d'aucune obligation antérieure. Pourtant j'entretenais quelque crainte qu'on ne fît revivre une histoire qui pouvait donner de l'inquiétude à un mari. Mon fils, toujours tendre, respectueux et obligeant, me reçut cette fois chez lui, me paya mes 100 livres et me renvoya chargé de présents. Quelque temps après, je fis savoir à mon fils que j'étais mariée et je l'invitai à nous venir voir. Et mon mari lui écrivit de son côté une lettre fort obligeante où il l'invitait aussi. Et en effet, il vint quelques mois après et il se trouvait justement là au moment que ma cargaison arriva d'Angleterre, que je lui fis croire qu'y appartenait toute à l'état de mon mari et non à moi. Il faut observer que lorsque le vieux misérable, mon frère, mari, fut mort, je rendis franchement compte à mon mari de toute cette affaire et lui dis que son cousin, comme je l'appelais, était mon propre fils par cette malheureuse alliance. Il s'accorda parfaitement à mon récit et me dit qu'il ne serait point troublé si le vieux, comme nous l'appelions, eût été vivant. « En effet, dit-il, ce n'était point ta faute ni la sienne. C'était une erreur impossible à prévenir. » Il lui reprocha seulement de m'avoir prié de tout cacher et de continuer à vivre avec lui comme sa femme après que j'avais appris qu'il était mon frère. Ça avait été, dit-il, une conduite vile. Ainsi, toutes ces petites difficultés se trouvèrent aplanies, et nous vécûmes ensemble dans la plus grande tendresse et le plus profond confort que l'on puisse s'imaginer. Nous sommes maintenant devenus vieux. Je suis revenu en Angleterre et j'ai près de 70 ans d'âge. Mon mari 68, ayant dépassé de beaucoup le terme assigné à ma déportation. Et maintenant, malgré toutes les fatigues et toutes les misères que nous avons traversées, nous avons conservé tous deux bonne santé et bon cœur. Mon mari demeura là-bas quelque temps après moi afin de régler nos affaires. Et d'abord, j'avais eu l'intention de retourner auprès de lui, mais sur son désir, je changeai de résolution, et il est revenu aussi en Angleterre, où nous sommes résolus à passer les années qui nous restent dans une pénitence sincère pour la mauvaise vie que nous avons menée. Écrit en l'année 1683. Fin.